Asi Bonanga, Johnny Clegg sur RGM. Allez, on passe aux anniversaires avec ceux qui sont nés un 7 juin 1940, naissance de Tom Jones, chanteur britannique connu pour son fameux titre Sex Bomb. Et on écoute tout de suite un petit extrait. Voilà pour l'extrait de Sex Bomb de Tom Jones. Allez, on continue les anniversaires. 1952, naissance de Liam Neeson, acteur américain, vu dans La Liste de Schindler dans le rôle d'Oscar Schindler. En 1998, dans Les Misérables dans le rôle de Jean Valjean. Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme dans le rôle de Qui Gon-Jinn. Gangs of New York, Love Actually dans le rôle de Daniel. Kingdom of Heaven, Batman Begins et The Dark Knight Rises dans le rôle de Ra's al Ghul. Dans Taken 1, 2 et 3 dans le rôle de Brian Mills. Le choc des titans et la colère des titans dans le rôle de Zeus. L'agence Tourisque, le film dans le rôle du colonel John Smith alias Hannibal. Sans identité, Battleship, et il sera à l'affiche du film Men in Black International, sorti et prévu eh bien, mercredi prochain. 1953, naissance de Johnny Clegg, chanteur sud-africain. 1955, naissance de William Forsythe, acteur américain, vu dans Il était une fois en Amérique dans le rôle de Philippe Stein alias Cookie, vu dans Rock, Halloween dans le rôle de Ronnie White ou encore à la télévision dans Hawaii 5-0 ou bien Daredevil. 1962, naissance de Thierry Hazard, chanteur français qu'on écoutera un petit peu plus tard. 1963, naissance de Roberto Alagna, artiste lyrique français connu notamment pour Mexico. Eh bien, petit extrait tout de suite. On a chanté les Parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Le Voilà pour l'extrait de Mexico. 1965, naissance de Jean-Pierre François, ancien footballeur français qui a fait une petite carrière de chanteur. En tout cas, il était joueur de 1982 à 1987 en jouant à Blénod, Dijon, Saint-Etienne et Bâle. Et il a sorti le fameux titre « Je te survivrai ». Eh bien, tout de suite, petit extrait. Je te survivrai. Allez, on continue. 1969, naissance de Joachim, prince de Danemark. 1971, naissance de Christian Camargo, acteur américain vu dans Benjamin Gates et le livre des secrets. Twilight, chapitre 4, révélation partie 1 et 2 dans le rôle d'Eleazar. La série télé Dexter dans le rôle de Rudy Cooper alias Brian Moser. Mentalist, Elementary ou encore House of Cards. 1972, naissance de Karl Urban, acteur néo-zélandais, connu pour son rôle d'Homer dans Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Vu également dans les Chroniques de Riddick et Riddick dans le rôle de Vaco, La Mort dans la Peau, la trilogie des Star Trek au cinéma dans le rôle de Leonard McCoy, Thor Ragnarok dans le rôle de Scourge et à la télévision dans les années 90 dans les séries Hercule et Xena la Guerrière dans le rôle de Cupidon. 1976, naissance de Sarah Lelouch, animatrice télé française. 1977, naissance de Fabrice Eboué, humoriste, acteur, réalisateur, scénariste français, vu dans Fatal, Casse Départ dans les rôles de Régis et Gaspard, Le Crocodile du Botswanga dans le rôle de Didier, Amour sur place ou à emporter dans le rôle de Bernard, Coexister dans le rôle de Nicolas le Jeune, scénariste et réalisateur de Casse Départ et du Crocodile du Botswanga et réalisateur de Coexister. 1978, naissance d'Adrienne France, actrice américaine connue pour son rôle de Ambre Moore dans la série Amour, Gloire et Beauté ainsi que dans Les Feux de l'Amour. 1979, naissance d'Anna Torv, actrice australienne connue pour son rôle d'Olivia Dunham dans la série télé Fringe. 1981, naissance d'Anna Kournikova, ancienne joueuse de tennis russe, ayant fait carrière de 1995 à 2003. En simple, elle a été numéro 8 mondiale en 2000, demi-finaliste à Wimbledon, quart de finaliste à l'Open d'Australie, huitième de finaliste à Roland-Garros et à l'US Open. En double, elle a été numéro 1 mondiale en 1999. Elle a remporté deux fois l'Open d'Australie, une fois finaliste à Roland-Garros, demi-finaliste à Wimbledon et quart de finaliste à l'US Open. 1988, naissance de Michael Cera, acteur canadien vu dans Supergrave dans le rôle d'Evan, dans Juno dans le rôle de Polly Blaker, la série télé Arrested Development dans le rôle de George Michael Bluth. 1990, naissance d'Iggy Azalea, rappeuse mannequin australienne, notamment connue pour le titre Black Widow en featuring avec Rita Ora. Tout de suite, petit extrait. Voilà pour l'extrait de Iggy Azalea. Azalea, c'est mieux. On reste en 90 avec la naissance d'Aurélie Muller, nageuse française, spécialiste des épreuves en nage en eau libre. Au championnat du monde, elle compte 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent. 1991, naissance d'Emilie Ratajkowski, mannequin, actrice américaine, vue dans le film Gone Girl ou encore la série télé iCarly. 1993, naissance de George Ezra, chanteur anglais, qui a fait un carton il n'y a pas si longtemps que ça avec son titre Shotgun. Petit extrait. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Voilà pour l'extrait de George Ezra. On reste en 93 avec la naissance de Jordan Fry, acteur américain connu pour son rôle de Mike Tevi dans le film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. En 2001, décédée Carol Fredericks, chanteuse américaine. Et en 2015, on apprenait le décès de Christopher Lee, acteur britannique connu pour le rôle de Dracula dans Le Cauchemar de Dracula, Dracula, Prince des Ténèbres, Dracula et les Femmes, Les Nuits de Dracula, Une Messe pour Dracula, One More Time, Les Cicatrices de Dracula ou encore Dracula, Père et Fils. Connu pour son rôle également du docteur Fu Manchu dans Le Masque de Fu Manchu, Les 13 fiancés de Fu Manchu, La Vengeance de Fu Manchu, The Blood of Fu Manchu, The Castle of Fu Manchu, vu aussi dans Sherlock Holmes et Le Collier de la Mort dans le rôle de Sherlock Holmes, Les Trois Mousquetaires, On l'appelait Milady, Le Retour des Mousquetaires dans le rôle du comte de Rochefort, Les Gremlins 2, La Malédiction de la Momie, Sleepy Hollow, la trilogie du Seigneur des Anneaux ainsi que Le Hobbit, Un Voyage Inattendu et Le Hobbit, La Bataille des Cinq Armées dans le rôle de Saruman, dans Star Wars épisode 2 et 3 dans le rôle du comte Dooku alias Dark Tyrannus, vu aussi dans Les Rivières Pourpres 2 ou encore Charlie et la Chocolaterie dans le rôle du docteur Wonka. Allez, tout de suite, petite pause, on s'écoute Thierry Hazard et on va danser le jerk. Le Jerk, Thierry Hazard. Il est un peu plus de 8h51 et il est temps pour nous de faire un point météo. La météo. Alors aujourd'hui, ne vous fiez pas aux éclaircies et au beau soleil qu'on peut avoir ce matin. Malheureusement, celui-ci ne va pas rester avec nous tout au long de la journée. On aura de la pluie pour cet après-midi. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 24 et jusqu'à 26 degrés pour cet après-midi. Samedi devrait être une belle journée ensoleillée avec des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 20 et 21 degrés prévus pour samedi après-midi. Et dimanche, journée mitigée, des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin et entre 23 et 24 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, Thierry Hazard, nous parler de Woodstock et il y a le festival Woodstock ce week-end à Saint-Dié. C'est dans les événements qui ont lieu près de chez nous. À Épinal, dimanche et lundi aura lieu le tournoi international de basket U18. L'IA les avait d'ailleurs reçus dans nos studios. Elle avait fait une émission avec les organisateurs de ce tournoi et on continue avec deux événements qui ont lieu demain. La ville de Plombières-les-Bains organise sa 4e édition de la marche des 1000 marches le samedi 8 juin. Départ à 13h au parc impérial près de l'étang du parc et retour à 16h au même endroit. L'association des usagers du centre social en partenariat avec Vaugilis, l'association culturelle du Remont, la ville de Remiremont, le département ainsi que la CAF organise un vide-grenier le 8 juin à Remiremont au lieu dit du Remont. Pour plus de renseignements, je vous invite à contacter Olivia Després, l'organisatrice du vide-grenier, à l'adresse mail suivante olivia.després@remiremont.fr. Et on termine avec le mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides qui organise un rassemblement à Remiremont ce soir à 18h30 place de l'Abbaye devant la mairie. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sains et dépourvus de toute pollution. Chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet, en se rendant sur le site nous voulons des coquelicots tout attachés.org. Voilà pour les événements qui ont lieu près de chez nous ce week-end. Et on va faire à 8h54 un point complet sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Allez, on commence avec le tennis et le tournoi de Roland-Garros. Hier, les matchs ont pu se disputer sans encombre. La météo a été clémente et côté féminin, à noter la qualification d'Anisimova, l'américaine de 17 ans, s'est qualifiée en 2-7 face à Simona Halep, tête de série numéro 3 et tenante du titre. Vraiment la sensation hier. Elle s'est qualifiée 6-2, 6-4 et Barty s'est qualifiée en 2-7 face à Keys, 6-3, 7-5. Les demi-finales auront lieu ce matin à 11h, donc dans quelques heures maintenant. Elles opposeront Barty à Anisimova et Konta à Vondrousova. Et à noter que la reprogrammation de ces demi-finales féminines est loin de faire l'unanimité. Notamment Amélie Mauresmo qui s'est exprimée sur un de ses réseaux sociaux hier soir. Un mot pour le tennis masculin avec Novak Djokovic qui s'est qualifié en 3-7 face à Alexander Zverev. 7-5, 6-2, 6-2 et Dominique Thiem qui s'est qualifié en 3-7 face à Kachanov, 6-2, 6-4, 6-2. Les demi-finales messieurs auront lieu à partir de 12h50 sur le Philippe Châtrier. C'est notamment aussi pour ça que ça gronde un petit peu puisque les femmes n'auront pas droit au Châtrier. Donc on commencera à 12h50 avec la demi-finale que tout le monde attend, Raphaël Nadal opposé à Roger Federer, et ensuite il y aura Novak Djokovic opposé à Thiem. Et à noter qu'en double messieurs, Jérémy Chardy et associé à Martin se sont qualifiés en 2-7 hier. Ils seront donc en finale samedi pour succéder à Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Un mot de football maintenant avec la Ligue des Nations. C'est vrai qu'avec l'élimination de la France, on avait un petit peu mis ça de côté. Le Pays Bas s'est qualifié pour la finale hier soir. Ils affronteront donc le Portugal en finale et la finale aura lieu dimanche. Un mot de foot, messieurs, avec la qualification pour l'Euro. Et samedi, la France qui affrontera la Turquie, hein, ça se passera en Turquie. À noter, N'Golo Kanté sera forfait pour ce match ainsi que pour le match contre l'Andorre. Il ne sera pas remplacé dans le groupe. Et alors, l'événement qui débute ce soir, c'est la Coupe du Monde féminine qui a lieu en France, je vous le rappelle, et si des fois vous ne le saviez pas, et la France va affronter la Corée du Sud, et l'hymne officiel, eh bien c'est la chanteuse française Jane qui l'interprète. On pourra d'ailleurs l'entendre dans la cérémonie d'ouverture de ce soir. Ça s'intitule Gloria, et on s'écoute eh bien tout de suite un petit extrait, hein, pour voir à quoi ressemble l'hymne officiel de cette Coupe du Monde féminine. Allez les Bleus! Success is gold, but you won't have my soul. I keep my freedom deep into my bones. I keep my freedom as it was my home. But glitter never lasts. Gloria, Gloria, I am mine. Voilà, c'était l'extrait de Gloria de Jane. Bon, c'est pas mal, hein, ça donne envie de bouger dessus. C'est franchement pas mal, en espérant que cette musique porte chance à notre belle équipe de France féminine. Un mot de handball maintenant, avec la victoire hier soir du Paris Saint-Germain handball 29-20 face à Rennes. Vous allez me dire pourquoi je vous parle du PSG handball. Eh bien, puisque c'était le dernier match hier soir pour le gardien emblématique Thierry Omeyer, qui tire ainsi sa révérence. Il a même déclaré que c'était un moment magique. Il y a eu de très beaux hommages donc pendant cette rencontre, et à la fin pour donc le gardien emblématique, hein, de l'équipe de France de handball. Un mot de hockey sur glace avec la finale de NHL, et dans le match 5, eh bien c'est Saint-Louis qui reprend l'avantage en s'imposant 2-1 face à Boston. Il y a donc 3 manches à 2 pour Saint-Louis. Le match 6 aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi pour nous Français. Et en basket, finale de NBA, le match numéro 4 entre Toronto et les Golden State Warriors aura lieu cette nuit. Et le match 5, ce sera dans la nuit de lundi à mardi. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Carole Fredericks, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones sur le titre 1, 2, 3. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio. Ça s'appelait rock and roll. Moi, ça me rendait fort. Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3, petit maman, 4, 5, 6, amis. Moi j'irai que ça sonne. Frédéric Goldman Jones sur le titre 1, 2, 3. Il est un petit peu plus de 9h. Il est 9h03. Ah non, 4. Et c'est donc l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h15. Vous retrouverez Ours et Carottes. À 11h, Mille et une histoires du tatouage avec Alexandre. 13h30, la rediffusion de la chronique de Mathilde. 14h, rediffusion de Jémé. Je vous le lis avec Dominique. 15h, ce sera Just Time de Radio Déclic. 17h30, la rediffusion de Mille et une histoires du tatouage avec Alexandre. 20h, Mosaïque avec François, et nous on se retrouve mardi matin. Et oui, on sera pas là lundi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Ciao, bye bye.